Attends. Ah. Je suis un homme cis et quand je sors dans la rue, je m'attends à être harcelé, à prendre une main au cul. Dans la rue, au moins, je suis en sécurité, car c'est à la maison que j'ai le plus de chances d'être violé. Quoi, quoi, comment ? Qui parle de mauvaise foi ? On me dit privilégié ? Moi qui suis fauché ? Quoi, quoi, comment ? Qui parle de mauvaise foi ? On me dit privilégié ? Moi qui suis fauché, je suis une femme blanche et je suis constamment sommée de décliner mes origines avec ou sans papier d'identité. Au boulot aussi, je suis la touche exotique. White is beautiful, mais mes cheveux restent problématiques. Comment, comment, quoi ? Qui parle de mauvaise foi ? On me dit privilégié ? Moi qui subis le sexisme ? Comment, comment, quoi ? Qui parle de mauvaise foi ? De l'argent existe, mais ce n'est pas le seul. Se complaire dans le déni est un privilège aussi. Le malaise d'être dominant, ce n'est pas le plus urgent. Pour le moment, les oppressions nuisent, les oppressions blessent, les oppressions tuent. Le privilège de l'argent existe, mais ce n'est pas le seul. Se complaire dans le déni est un privilège aussi. Le malaise d'être dominant, ce n'est pas le plus urgent. Pour le moment, les oppressions nuisent, les oppressions blessent, les oppressions tuent. Je suis une personne valide et je suis invisible, même si tout le monde me voit. Exister dans l'espace public ne va pas de soi, pas de soi pour moi. Dès que je sors de chez moi, on me fuit, on me plaint et on oublie tout ça. Quoi, quoi, comment ? On est tous humains, non ? Moi qui déteste les escaliers, on me dit privilégié ? Quoi, quoi, comment ? On est tous humains, non ? Moi qui ai le bras cassé, on me dit privilégié ? Je suis une personne cis et je suis constamment sommée d'expliquer mes parties génitales avec ou sans papier d'identité. Dès que je sors de chez moi, je suis en danger. Je m'attends à ce qu'on me tabasse, qu'on essaie de m'assassiner. Comment, comment, quoi ? Qui parle de mauvaise foi ? Moi qui aime les personnes androgynes, je ne serai pas une alliée. Comment, comment, quoi ? Qui parle de mauvaise foi ? Moi qui suis androgyne, on me dit privilégiée. Mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui provoque ça ? Le privilège de l'argent existe, mais ce n'est pas le seul. Se complaire dans le déni est un privilège aussi. Le malaise d'être en dominant, ce n'est pas le plus urgent. Pour le moment, les oppressions nuisent, les oppressions blessent, les oppressions tuent. Ne pas parler à la place de celles qui subissent une oppression que je ne vis pas. Savoir se remettre en question, ne pas cautionner les agressions de mes pères envers les dominés, c'est un bon début pour devenir allié. C'est un bon début pour devenir allié. C'est un bon début pour devenir allié. C'est un bon début pour devenir allié. Ne pas parler à la place de celles qui subissent une oppression que je ne vis pas. Savoir se remettre en question, ne pas cautionner les agressions de mes pères envers les dominés, c'est un bon début pour devenir allié. C'est un bon début pour devenir allié. C'est un bon début pour devenir allié. C'est un bon début pour devenir allié.